corps se promène à tout hasard au fin fond d'un long couloir chaud et jubilatoire, là où la vie prend son nectar. Vas-y mon grand, à grand coup de plaisir, tu peux percer le néant pour devenir un être à chérir. Champion, tu es le premier à rentrer en action, prêt à commencer ce doux et étrange tourbillon et à provoquer toutes sortes d'émotions. Vas-y mon grand, à grand coup de plaisir, tu peux percer le néant pour devenir un être à chérir. Pour un beau jour, suivre ton avenir.